Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Deux chercheurs français sont détenus en Iran où ils s'appellent Fariba Adelka et Roland Marshall. Leurs confrères ont exhorté le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Il faut les libérer au plus vite, leur vie est en danger. L'Iran, dans les actualités, dans le vécu des hommes et des femmes oppressés, est une succession de crimes. L'Iran, ou du Shah Omolla, l'histoire est instrumentalisé. Et quelle histoire! Cette fois, c'est une succession de lieux qui font rêver. Ispahan, Ektaban, Suze et bien sûr Persépolis. C'est une succession de noms qui évoquent l'épopée. Cyrus, Darius, Xerxès, Artaxerxès et bien sûr Alexandre le Grand. Voici une histoire où nous rencontrons des Achéménides, des Mèdes, des Parthes, des Séleucides et des Sassanides. Des batailles aussi, dont les noms sont gravés dans notre esprit. Marathon, Thermopyle, Salamine, Gaugamel et tant d'autres. Ce sont des millénaires d'histoire dans une région qui s'impose comme un carrefour de peuples et de cultures. Ce monde est celui de la Perse, un nom qui est resté pour désigner l'Iran jusqu'aux années 1930. La Perse est à la fois ancienne et très présente, aujourd'hui encore, par ses ruines, par son héritage, par sa culture. Allons visiter l'histoire antique de l'Iran et ses échos au présent avec notre guide, Pierre Briand. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous partons en Perse pour un voyage de plaisir, parce que notre guide est Pierre Briand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite au Collège de France, où vous étiez titulaire de la chaire d'histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, notamment l'histoire de l'Empire perse, de Cyrus à Alexandre, de Darius dans l'ombre d'Alexandre, ou encore d'Alexandre exégèse des lieux communs. Non, c'est vrai qu'Alexandre est quelqu'un qui fait partie très facilement de notre imaginaire, Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand est un Grec. Les Perses, eux, on les connaît moins, ou si on les connaît, c'est par un autre regard, celui des Grecs. Ça a été pendant très longtemps, effectivement, à travers le regard des Grecs, qu'on a abordé l'histoire de l'Empire perse, d'abord à travers Hérodote, puisque au 5e siècle, Hérodote écrit ses histoires dont le but, il l'annonce au début, c'est de comprendre, d'expliquer à ses lecteurs les origines de la grande confrontation entre les Perses et les Grecs. Et puis, au détour, il nous parle des Perses. Et puis ensuite, ça a été, tous les Grecs ont été fascinés par l'Empire perse, la richesse du grand roi, sa puissance, tout en faisant mine de les mépriser. Mais c'est toi, grâce aux Grecs, qu'on a connu les Perses. Et puis, jusqu'au moment où, eh bien, on a connu les Perses grâce aux Perses. Surtout à partir du moment où on a découvert la clé du cunéiforme et qu'un jeune major anglais, le major Rawlinson, nous sommes vers 1933-1935, escalade une falaise, grande falaise qui se situe en Médie, donc pas très loin d'Hamadan, entre Hamadan et Kermanshah, la falaise de Bizoutoun, très haut de laquelle, et on connaît depuis très longtemps l'existence d'un grand relief, l'interprétation de laquelle tout le monde a buté depuis très longtemps. Et puis il a publié cette inscription. On a découvert que Darius parlait à la première personne. Il raconte comment il est arrivé au pouvoir, quels sont les actes de la légitimité de son pouvoir. Et puis, il n'y a pas seulement les inscriptions en trois langues, vieux perse, élamite et babylonien. Il y a aussi, et surtout, enfin, en relation directe, une image. C'est un grand relief où l'on voit Darius en gros plan, le pied posé sur un homme à terre, c'est celui qui désigne l'usurpateur. Derrière lui, deux nobles perses qui font partie du petit cercle des conjurés pour la prise du pouvoir. Et face à lui, une file de petits bonhommes dont chacun porte un nom et un ethnique. Ce sont ceux qu'il appelle les rois menteurs. Rois menteurs, ça veut dire les rois rebelles. Ceux qui sont rebellés lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qui viennent de vaincre. Et c'est alors que, enfin, grâce à Rawlinson et grâce à Darius, les Perses parlent de leur propre voix. Ça y est, nous entendons les Perses parler. Pierre Briand, écoutez, je vous propose d'allumer notre transistor, mais de l'allumer le 11 octobre 1971 pour écouter l'émission Les Chemins de l'Histoire sur l'ORTF. Moi, je pense qu'ils vous ont eux aussi écouté, Pierre Briand. C'est ici que tout a commencé. Ici, Darius le Grand, prince achéménide, troisième roi des rois, commémore sa victoire sur l'imposteur Gaumata qui prétendait au trône. Invoquant le grand dieu Ahura Mazda, il foule aux pieds son adversaire, derrière qui sont enchaînés 9 princes de son parti. Cette découverte marque le début de l'archéologie iranienne. Depuis Raoulinson, c'est toute l'histoire, et aussi la préhistoire de l'Iran. Plusieurs civilisations que les archéologues nous ont révélées. Depuis le 5e millénaire avant notre ère, toutes semblent tendre vers l'épanouissement au 6e siècle avant Jésus-Christ, de la puissance achéménide, fondée sur l'un des plus grands empires de l'histoire. Une civilisation grandiose, que jusqu'à Raoulinson, l'honnête homme ne pouvait guère soupçonner, sous le dénominateur d'Oi Barbaroi, donné par les Grecs à leurs ennemis les Perses. Un extrait d'une émission de l'ORTF en 1971 qui s'intéressait à l'empire achéménide. Et c'est vrai que les Grecs voyaient ces Perses comme des barbares. Pourtant, le regard grec est beaucoup plus affiné que cela. Comment regardaient-ils les Perses? Il y a un peu de fascination quand même. Cette fascination que l'on ressent aujourd'hui, nous, en vous écoutant, et je pense que vous aussi, Pierre Briand, en les étudiant. Oui, fascination de l'historien, donc immense intérêt, passion pour un champ historique que je parcours depuis déjà quelques décennies. Donc c'est la fascination de découvrir de nouveaux documents, de les intégrer dans un ensemble interprétatif, de comprendre comment tout ça s'est créé, comment ça a vécu, comment les gens vivaient ici ou là, dans une immense diversité ethnoculturelle. Songez tout de même que, il faut le rappeler, ça je crois au départ, l'image géographique, nous sommes un empire qui s'étend à l'heure actuelle, ce qui s'étendrait à l'heure actuelle de Pakistan à l'est jusqu'à la Turquie occidentale à l'ouest et de l'Ouzbékistan au nord jusqu'à Assouan au sud en comprenant toutes les mers, la mer Gaspienne, la mer Noire, la mer, les rivages de mer Méditerranée, le golfe, la mer Arabique, le golfe Arabique et le golfe Persique et une partie de l'océan Indien. Donc c'est un empire qui a réuni en son sein, et c'est ça qui est le plus fascinant, beaucoup plus que le regard des Grecs. Ce qui est le plus fascinant, c'est ça, c'est que pour la première fois dans le monde connu, un empire, ce que j'appelle un empire monde, je ne suis pas le premier à utiliser cette expression, se crée, qui rassemble par une sorte de phénomène de phagocytage tous les empires et tous les royaumes précédents dans une relation, dans un empire unitaire. Unitaire, ce qui met d'une immense diversité ethnoculturelle. Songez qu'en Égypte de cette époque-là, bien sûr, on parle égyptien, mais on écrit des inscriptions en 5 ou 6 langues. Il y a 5 écritures. En Asie mineure, dans l'ouest de la Turquie, on retrouve des inscriptions d'une dizaine d'écritures. Même à Persépolis même, dont on va certainement reparler, à Persépolis même, dans les archives et tout autour, on retrouve non seulement le vieux Perse assez peu d'ailleurs, mais les Lamites, le babylonien, l'araméen, on a une tablette inscrite en grec, une autre tablette inscrite en phrygien, une autre en égyptien, etc., etc. Et puis, vous avez une langue commune qui s'est développée tout au long d'ouest en est, du nord au sud. C'est l'araméen qui est devenu un peu la lingua franca de l'empire achéménide. Mais l'existence d'une langue commune qui a été utilisée par l'administration, les chancelleries du grand roi n'ont pas du tout éliminé des langues particulières, et l'un égyptien par l'égyptien, un babylonien par le babylonien, etc., etc. Et donc, vous avez, c'est ça qui est le plus fascinant. Comment un empire comme ça a-t-il pu se créer? Comment a-t-il pu être organisé? Comment a-t-il pu durer plus de 2 siècles et demi? Jusqu'à l'arrivée d'Alexandre. Oui, parce que si, Pierre Briand, nous voulons fixer les bornes chronologiques de cet empire, donc la fin, nous la voyons avec Alexandre. Voilà. Si on retrace le passé, c'est vrai que bon, nous arrivons à Cyrus. Alors, on arrive vers Cyrus, et même ce qui a été modifié dans ces dernières années, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est le début de l'empire. Comment les Perses sont arrivés dans ce pays qu'on va appeler la Perse, parce qu'il porte ce nom. Donc nous sommes autour de l'an 1000, avant Jésus-Christ bien sûr, et les Perses, qui sont des Indo-Européens, et qui viennent du plateau iranien, par quels moyens, par quelle route, certainement, on en discute, peu importe. Mais jusqu'ici, on pensait que les Perses de Cyrus avaient pris la succession des Mèdes. Donc, on pensait que les Mèdes, qui donc se sont établis autour d'Ecbatane, dans l'Iran du Nord à l'heure actuelle, que les Mèdes avaient conquis un immense empire qui irait de l'Asie centrale jusqu'à l'Asie mineure. En réalité, il n'en est rien. Et si les Perses sont parents des Mèdes, ils ont pris beaucoup, beaucoup à leurs prédécesseurs dans la région de la Perse et de l'Élam. Ce sont les Élamites, et c'est là que s'est forgé ce qu'on va appeler le peuple perse, entre 1000 et 600 environ, selon des processus un peu compliqués dans lesquels il n'est pas aisé d'entrer. Mais disons que si on veut vraiment étudier l'Empire perse du début jusqu'à la fin, il faudrait pour mieux faire partir de 700 environ jusqu'à... moi j'irais beaucoup plus loin, jusqu'à au moins la mort d'Alexandre, car Alexandre reprend son profil empire. Si vous regardez le trajet d'Alexandre, il va suivre toutes les frontières de l'Empire perse. Il les renouvelle. Il plante des bornes, si vous voulez, ou des actes qui montrent qu'il a repris la domination du grand roi. Les grands rois eux-mêmes ont dit qu'ils avaient une mentalité, une volonté de domination mondiale. Ça veut rien dire. Ils avaient, puisque cette domination, ils l'ont bornée eux-mêmes, Darius, dans les plaques de fondation de la Padana, sa deuxième Persépolis, dit lui-même, mon empire, c'est pas le terme empire qu'il utilise, mon royaume, la terre qui est la mienne, s'étend depuis les sites au-delà de l'Iaxart, au-delà d'Ouzbékistan, de Tadjikistan, jusqu'à la Libye, jusqu'à Kouch, jusqu'à l'Éthiopie, et jusqu'à Sardes à l'ouest, donc l'Asie mineure à l'ouest. Donc, voilà ce qu'était l'empire des grands rois, et Alexandre fait exactement de reprendre son profit l'espace, pour l'espace des grands rois. Évidemment, il va introduire des modifications, mais moi j'aurais tendance à penser que il faut étudier aussi la période de transition entre les Achéménides et les royaumes hellénistiques, parce que là, il y a beaucoup de continuité en même temps que des innovations. Mais disons, pour dire bref, entre 600 et 300, voilà le champ historique qui est le mien, qui est le nôtre. Oui, voilà, c'est les limites chronologiques, parce qu'on a toujours besoin de limites, mais nous savons bien que les Mèdes qui étaient là avant ne disparaissent pas, ils restent, et quand Alexandre arrive, il reste également tous les vestiges de ce monde perse qui sont d'ailleurs réappropriés. Et puisque Absolument. Nous parlons de géographie, Pierre Briand, nous allons écouter Strabon, dans la voix de Daniel Königsberg. Strabon, dans sa géographie, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous parle de tous ces peuples barbares. De tous les peuples barbares, celui qui a obtenu parmi nous le plus de célébrité est incontestablement le peuple perse, des nations qui avaient successivement dominé sur l'Asie, aucun autre n'ayant soumis les Grecs. La chose est facile à concevoir. Toutes ces nations ignoraient même l'existence des Grecs, et les Grecs, de leur côté, n'avaient recueilli sur elles que de faibles et lointaines rumeurs. Homère ne connaissait ni l'Empire syrien, ni l'Empire des Mèdes. Autrement, lui qui nomme Thèbes aux 100 portes et qui exalte ses richesses et celles de la Phénicie, eût-il omis de célébrer de même les richesses de Babylone, de Ninive, d'Ecbatane? Les Perses sont donc les premiers qui régnaient véritablement sur des populations grecques. Daniel Königsberg, qui nous lit la géographie de Strabon, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, Pierre Briand, ce regard grec nous permet de connaître le monde perse. Nous sentons surtout les contacts. L'opposition est toujours mise en avant par les batailles, mais les contacts sont essentiels. Et par ce monde perse, nous avons de multiples contacts. Nous avons celui avec le monde grec, le monde égyptien, bien sûr, mais bien d'autres, et jusqu'aux Indes. C'est-à-dire qu'Alexandre, quand il s'approche des Indes, rencontre les gymnosophistes, des brahmanes. Et ce contact-là est essentiel. Oui, certainement, mais je vais répondre à votre question. Je voudrais seulement, si vous permettez, l'élargir un petit peu, parce que on ne peut pas se tenir au rapport entre les Grecs et les Perses, aussi important soit-il. Bon, les Strabon, les Alexandre, grâce à ce qui est vrai aussi, c'est que les auteurs grecs qui ont parlé d'Alexandre sont aussi pour nous une source achéménide. Achéménide, j'entends, après décryptage, un minutieux déchiffrement de textes et de procès littéraires qui sont les leurs. Mais en fait, à travers, on découvre les Grecs et nous, ensuite, on découvre l'Empire perse à la suite d'Alexandre en grande partie. Et donc, effectivement, les Grecs vont découvrir des personnages dont ils ignorent l'existence, les gymnosophistes de l'Inde, des savants babyloniens également, parce qu'il y a eu très nombreux rapports. On dit aussi qu'il y a eu des rapports, même grâce à Alexandre et à son suite, entre les savants babyloniens et Aristote, qui était resté, lui, en Europe. Et donc, il y a eu des rapports de toutes sortes, des rapports scientifiques également. Mais ce qui est symptomatique de l'Empire perse, en raison de l'immense diversité ethnique, ethno-culturelle, c'est que des rapports mutuels interculturels se sont créés dans toutes les régions de l'Empire. Bien sûr, en Asie occidentale avec les Grecs, mais pas uniquement. Il ne faudrait pas concevoir l'Asie occidentale comme on le faisait il y a quelques décennies. On parlait de la Grèce d'Asie. Pas la Grèce d'Asie. Il y a des Grecs en Asie mineure. Mais il n'y a pas que les Grecs. Il y a non seulement pas les Grecs et les Perses, si vous avez des Lydiens, des Phrygiens, des Cariens, des Lyciens, chacun a sa langue, chacun a son écriture, chacun a son panthéon, chacun a ses coutumes, et tout ça se mêle, on le voit très bien à travers l'iconographie, en particulier l'iconographie funéraire en Asie mineure. En Égypte également, on a des exemples extraordinaires de ce qu'on appelait dans le temps l'acculturation. Je n'en récuse pas le terme qui me paraît commode également, même si on peut en discuter la pertinence absolue. On a par exemple, je pense, à une stèle funéraire qui a été trouvée en 95 en Égypte, où on voit deux registres. En haut, un registre traditionnel d'exposition du mort à l'égyptienne, et en bas, vous avez seulement le mort qui est assis, qui est vêtu à la Perse, complètement à la Perse, comme à Persépolis, qui est assis que sur un trône qui ressemble très pour très au trône royal de Persépolis. Et donc, on voit très bien la mixité des coutumes perses et iraniennes. Et en plus, on a une inscription, alors ça c'est formidable, hiéroglyphique et démotique, qui nous permet de connaître l'identité de la personne. Alors, il s'appelle... j'espère que je ne vais pas retrouver. J'ai oublié son nom, en égyptien. Il est fils d'un Iranien et d'une Égyptienne. Et donc, on a là un exemple extraordinaire de ces processus interculturels qu'on voit à l'œuvre partout dans l'Empire. Pierre Briand, justement, dans ces rapports de culture, en vous écoutant, nous comprenons la richesse, ce mélange, ce syncrétisme. Et pourtant, nous sommes formé avec la culture grecque qui, elle, est en opposition souvent. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que peut-être les Grecs ont besoin des Perses. Un exemple avec Eschyle, qui écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui nous parle des Perses pour une pièce jouée au pied de l'acropole d'Athènes. Les Perses, c'est un enregistrement de 1961. Voici venir ceux qu'on nomme les fidèles. Les gardiens du palais, gardiens de ses trésors. Ceux qu'a choisi Xerxès pour veiller sur sa terre en son absence. Et voici que de Babylone, capitale de l'or, jaillissent les eaux mêlées d'un torrent, marins et cavaliers, archers sûrs de leur arc. Ces peuples ont pris les armes, aveuglément soumis aux ordres du grand roi. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous voyageons en Perse, dans la Perse antique, avec Pierre Briand. Pierre Briand, nous venons d'entendre un extrait des Perses, d'Eschyle, donc pièce du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ah, bien sûr, il y a de l'épique dans ce que nous venons d'entendre. Il y a de l'opposition évidente. Malgré tout, les Grecs ont besoin des Perses. C'est bien utile d'avoir un ennemi commun. Oui, on peut dire qu'effectivement, les Grecs eux-mêmes se sont identifiés, ont construit leur identité par opposition à leurs voisins, perses, et ils l'ont manifesté à travers la littérature, à travers le théâtre, à travers également les représentations figurées sur des petits objets ou sur les ou sous le Parthénon d'Athènes. Mais à travers cela, effectivement, c'est fondamentalement tout de même l'exaltation de la puissance athénienne, Échille. Car les Athéniens, comme l'a montré Nicole Leroux il y a déjà quelque temps, les Athéniens ont construit leur propre image à leurs yeux et aux yeux de l'extérieur. Ils l'ont construit en se prétendant être les seuls vainqueurs des guerres médiques. Ce sont eux qui ont été des Perses, ce sont eux qui ont été les Perses à Salamine, ce sont eux qui ont ensuite reconquis la mer Égée, puis, etc., et libéré les Grecs d'Asie mineure. Et donc c'est d'abord moins qu'une admiration pour les Perses. Dans les Perses d'Eschyle, je vois surtout une exaltation de la puissance, de la grandeur athénienne, de l'orgueil athénien, et fait à travers, bien sûr, un artiste formidable qui est Eschyle. Voilà, et donc vous, Pierre Briand, c'est en cela que votre propos est majeur et intéressant, c'est que vous regardez les Perses en vous mettant à la place des Perses, parce que vous allez chercher les sources les plus proches de ce monde perse. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. D'abord, je ne suis pas à la recherche des Perses, je vais vous le dire, je suis à la recherche de l'Empire achéménide. Les Perses sont une composante de l'Empire achéménide, une composante très importante, puisque ce sont eux qui ont conquis l'Empire achéménide. La Perse elle-même, ce qu'on appelle aujourd'hui le Fars, qui est donc une province de l'actuel Iran, n'est qu'une petite partie de l'immense empire. Et donc, ce que l'historien de l'Empire achéménide recherche, c'est comment s'est créé cet empire, quelles sont les composantes de cet empire, comment vivent-ils entre eux, etc. Et donc, lorsque vous dites qu'on a peu de documents sur les Perses, vous voulez dire en fait, excusez-moi d'interpréter, peut-être que je me trompe, vous voulez dire en Perse en fait qu'on a très peu de sources narratives qui viennent des Perses. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi peu de sources qui nous ont été transmises, traduites, ou en tout cas qui sont aussi accessibles que les sources grecques. Si vous regardez tous les manuels d'histoire, tous les manuels dans toutes les langues, vous avez l'histoire d'Antiquité, ce qu'on appelait dans le temps l'histoire ancienne. L'histoire d'Antiquité est organisée autour de trois pôles, ou quatre pôles. La Grèce, Rome, bien entendu, le Parthénon, le Forum. Bien. Et puis, au Proche-Orient, vous avez la Mésopotamie, y compris depuis Sumer, et puis vous avez l'Égypte qui, alors là, attire les regards des Européens, des Français en particulier, puis même avant Napoléon, avant Bonaparte. Et puis vous avez alors une lacune totale. Ceux qui travaillent sur le Proche-Orient ancien, en général, s'arrêtent, pour eux, les manuels s'arrêtent en 539. Ce qu'ils appellent la chute de Babylone devant Cyrus, ce que nous appelons, ils sont en Empire achéménide, la prise de Babylone par Cyrus. Et donc pour eux, c'est fini. Après, c'est plus leur problème, c'est pas leur champ d'étude. Les égyptologues, eux, ne s'intéressent pas du tout à ces périodes-là, enfin, pendant très longtemps. Et puis, quant aux historiens de la Grèce, ils se sont intéressés à quoi? À trois choses. À trois rencontres avec les Perses. Un, la conquête de l'Asie mineure par les Perses, en 546. Pour la première fois, les Grecs entrent en contact avec les Perses. Nous sommes toujours avant Jésus-Christ, bien sûr. Oui, bien sûr. Deux, les guerres médiques. Et trois, la conquête d'Alexandre. Donc, ce qu'on appelle l'histoire des gréco-perses, c'est en fait une histoire grecque avec quelques moments d'ouverture vers la Perse, mais d'ouverture simplement d'un point de vue purement hellénocentrique, qui ne préjuge pas, qui ne suppose pas une connaissance de ce qui est en face. Et donc, tout ceci fait qu'entre 539, date de la chute de Babylone, de la prise de Babylone par Cyrus, et 334, débarquement d'Alexandre, ça a été pendant très longtemps, sur le plan historiographique, un no man's land. Un homme asselante, car c'était les historiens grecs de la Grèce ne s'intéressaient pas, disaient que c'était trop difficile. Ils le disent toujours, d'ailleurs. J'ai eu plusieurs fois cette réponse. C'est trop difficile, bon, bref. L'historien du Moyen-Orient ancien, la Mésopotamie, c'est pas leur problème. Quant aux égyptologues, ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'on appelle les basses périodes, dans l'anglais, late periods, périodes tardives, ce qui est le cas de l'Empire de l'histoire achéménide. Donc, ce qui est la plus grande partie de l'histoire achéménide est tombée dans la trappe. Comment vous l'expliquez, Pierre Briand? Je l'explique parce que pendant très longtemps, effectivement, l'histoire achéménide, il n'a été connu guère que par deux sources principales, deux regards. Le regard des Grecs, on en a déjà parlé, et puis le regard des Judéens, des gens de Judée qui ont été exilés à Babylone sous Nabucodonosor, et qui ont reçu de Cyrus la permission de retourner, le retour d'exil, la construction du nouveau temple. Et là, à travers des livres, comme le livre d'Esdras et de Néhémie, on a le regard des Judéens sur les Perses. Mais c'est pas à travers Et donc on a longtemps vu, étudié, on a pu étudier uniquement à travers ceci, puis des monnaies qu'on retrouvait, etc., aux effigies des grands rois, etc. Et c'est donc que peu à peu, au cours du 19e et du 20e siècle, on était mis au jour, publié de très nombreuses sources. Je ne vais pas faire une liste, mais je vais donner quelques exemples. Bon, les inscriptions des grands rois. Trouvées, Behistoun étant la plus célèbre, vous avez l'inscription sur les façades des tombeaux de Nakhchivan Rustam, des nombreuses inscriptions trouvées à Persépolis, trouvées à Suse, etc. Et puis vous avez aussi des sources araméennes qui ont été trouvées en Égypte, en grand nombre, là où les papyrus et les parchemins ont pu être conservés. Vous avez une... On peut reconstituer la vie d'un ensemble en Égypte. Vous avez aussi les sources élamites de Persépolis. Alors ça, c'est la grande découverte qui a modifié totalement l'histoire de la Pachyderme, qui est en train de modifier. C'est des milliers de tablettes qui ont été trouvées en 1931, entre 31 et 36, à Persépolis, écrites en élamite, qui sont des tablettes de type administrative et qui permettent actuellement de modifier totalement notre vision. Bref, et ceci n'est qu'un échantillon très, très petit. Donc quand je dis que l'histoire achéménide, on a beaucoup plus de sources que par exemple que pour les gens qui travaillent sur l'histoire hellénistique du Moyen-Orient, donc après Alexandre, je ne fais que refléter une réalité objective. On a une floraison de sources, une diversité de sources, une diversité de points de vue qui est absolument fascinante. Fascinante. Et on vous sent fasciné, Pierre Briand, et vous nous fascinez aussi parce que ce monde-là l'est également. Nous évoquions tout à l'heure tous ces noms qui évoquent des choses dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Et c'est vrai que c'est un monde de Ecbatane, d'Ispahan, de Suse. Et nous parlons de Persépolis, bien sûr. Tout cela reste dans l'esprit des gens, mais sans réellement savoir les situer. C'est vrai que vous êtes conscient, vous, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, oui, qu'il y a encore un travail à faire. Oui, il y a un travail à faire, mais un travail qui est fait par nous. Il m'est arrivé d'écrire des livres de vulgarisation, des articles, je suis beaucoup intervenu, et d'autres de mes collègues également. Mais encore faut-il qu'il y ait une réception. Donc je vous remercie d'autant plus de m'avoir invité ce matin pour pouvoir en parler. Mais nous faisons un travail difficile, dans la mesure où je pense que les mentalités restent tout de même fixées là-dessus, sur la Grèce, sur Rome. Et donc, si vous voulez, par exemple, je vais prendre un exemple différent. On parle de l'archéologie iranienne. Vous parliez tout à l'heure en introduction de l'archéologie iranienne, je crois, de l'Iran, enfin, de achéménide, véritablement. Bon. Et donc, on peut citer de très nombreuses missions européennes, américaines, qui ont travaillé en Iran, missions françaises, depuis la fin du 19e siècle à Suse, les Américains à Persépolis, les Anglais à Ecbatane, les Allemands à Behistoun, bon, bref. Mais ce qu'on voit pas, et ce qu'il faut voir, parce que nombreux travaux ont paru depuis une vingtaine d'années en particulier, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi une volonté de la part des Iraniens de s'approprier leur passé, de créer une sorte de roman national. On pourrait en parler d'ailleurs. Tout à l'heure, là, vous projetiez, vous diffusiez un morceau d'une émission de la radio, de la télévision 71. Exactement. Pourquoi 71? Parce que tout simplement, en 71, le Shah d'Iran a organisé des grandes fêtes de Persépolis, qui sont une propagande formidable pour le régime, parce que le régime veut se lier, lui et son père d'ailleurs, Reza Khan, Reza Shah Pahlavi, qui règne entre 1925 et 1941, son fils Mohamed Reza prend la suite en 41 jusqu'en 79. Donc cette dynastie, qui a régné pendant de 25 à 79, a voulu créer une identité iranienne, et l'un des moyens, en même temps que d'asseoir leur légitimité, l'un des moyens a été d'instrumentaliser le passé, et le passé achéménide en particulier, de manière à lier l'un et l'autre et que l'Iran apparaisse une continuité du passé au présent. Pierre Briand, vous avez parfaitement raison de faire un écho très contemporain et comment en Iran, mais que ce soit sous le Shah, et puis peut-être encore ensuite le passé perse, ou en tout cas le passé achéménide a été convoqué. Et justement, nous allons faire un petit tour en Iran avec la diva iranienne. Elle est surnommée ainsi, elle s'appelle Parissa. Et alors là, d'un seul coup, c'est un nouveau voyage qui s'offre à nous. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Thank you. قدهی دارم بر کف به خدا تا تو نیایی حله تا روز قیامت نبنوشم نبریزم Parissa, la diva iranienne qui chante dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et le Gras, avec aujourd'hui à la technique Souad Boukorsa et Yanis Joudad. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous sommes avec vous, Pierre Briand. C'est vous, notre guide aujourd'hui dans l'Empire Perse, et je précise, dans l'Empire Achéménide. Nous sommes plutôt avec les Achéménides. Pierre Briand, vous êtes spécialiste d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est un personnage de notre imaginaire, il est essentiel dans notre perception de cet univers qui nous intéresse. Et c'est par là que souvent on a accès à ce monde perse, en oubliant souvent ce qui s'est passé auparavant. Nous allons écouter, lu par Daniel Königsberg, une lecture de Diodore de Sicile. Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique, qui nous parlait au 1er siècle avant Jésus-Christ d'Alexandre le Grand. Alexandre regarda comme une faveur des dieux l'occasion qui lui était offerte de décider par une seule bataille le sort de l'Empire des Perses. Et par des discours appropriés, il exhorta ses soldats à une lutte décisive. Les trompettes sonnèrent des deux côtés la charge. Les Macédoniens poussèrent d'abord un immense cri de guerre. Les barbares y répondirent de manière à faire retentir de leur voix toutes les montagnes voisines. C'était comme l'écho d'une seule voix poussée par 500 000 hommes à la fois. Alexandre promena ses regards de tous côtés, cherchant à découvrir Darius. dès qu'il l'aperçut. Il se porta droit sur lui avec ses cavaliers d'élite, moins jaloux de battre les Perses que de remporter la victoire par ses propres efforts. Comme on déploya des deux côtés une égale valeur, l'issue de la bataille resta longtemps indécise. Les pertes et les avantages se balançaient de part et d'autre. Un grand nombre de guerriers tombèrent couverts de blessures, toutes reçues par devant. Quelques-uns, vaillants jusqu'au dernier souffle, perdaient la vie plutôt que le courage. Une lecture de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile par Daniel Königsberg. C'est une lecture qui nous permet de voir une nouvelle fois comment les Grecs ont pu percevoir ce monde. Quand Alexandre arrive dans cet univers, Pierre Briand, qu'est-ce qu'il découvre ? Il est surpris par les différences de coutumes, de traditions. Toute la littérature, depuis ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre plus récent, toute la littérature sur Alexandre, écrite par des hellénistes, oublie l'Empire perse, ne parle jamais d'Empire perse, ils ne connaissent pas l'Empire perse. Et donc, en fait, si vous suivez ces mêmes choses que le film d'Oliver Stone, hein, lorsque on braque le projecteur sur un personnage qui traverse un empire sans jamais le voir, on ne le montre jamais, et qui est à la poursuite de son destin personnel jusqu'au moment où il meurt à Babylone. En réalité, c'est bien dommage, mais c'est absolument l'inverse qu'il faudrait faire. Pour parler d'Alexandre, il faut connaître l'Empire achéménide, autrement on ne comprend rien, on ne peut rien comprendre au sens de l'histoire d'Alexandre. Maintenant, je réponds à votre question. Est-ce qu'Alexandre est surpris ? Non, il n'a pas été surpris, il était parfaitement informé. Enfin, parfaitement formé. Il connaissait beaucoup de choses de l'Empire achéménide. N'oubliez pas que le royaume de Macédoine, lorsqu'Alexandre arrive au pouvoir, est limitrophe de l'Empire achéménide. Et vous avez des échanges de population, même des exilés, des satrapes exilés de l'Empire qui viennent se réfugier à la cour de Philippe II, le père d'Alexandre. Et puis, vous avez des multiples contacts avec l'Asie mineure, avec l'Égypte, même avec la Phénicie, enfin tous les portugais méditerranéens, disons qu'ils sont relativement bien informés jusqu'à Babylone. Ensuite, c'est différent. Mais il ne vient pas sans penser, il a un plan. Il a des connaissances, il a un plan pour chacune des régions qu'il va conquérir. Et d'ailleurs, dans le cas contraire, ça aurait jamais marché. Et le plan, c'est très simple, à part de gagner la bataille, bien entendu. C'est après, qu'est-ce qu'on fait quand on a gagné la bataille ? On fait du butin, on revient ? Non, c'était pas son projet. Son projet, c'est de mettre la main sur l'Empire et de le conserver. Bien. Pour le conserver, il a une politique très claire, qui est copiée sur celle des grands rois. Copier sur des grands rois, parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est de passer une alliance avec les élites locales. Donc, après chaque bataille, il y a des négociations avec les élites locales, qu'elles soient perses ou lydiennes ou cariennes ou lyciennes ou égyptiennes. Et donc, il y a un échange de bons procédés qui permet à Alexandre de s'enfoncer de plus en plus profond à l'intérieur de l'Empire achéménide, en étant quasiment sûr qu'il n'y aura pas de révolte sur ses arrières. Car, imaginez-vous, vous voyez, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui ? Quelques centaines d'hommes dans les places fortes. Si les gens avaient voulu se rebeller, ils seraient rebellés très facilement. Et donc, il a conclu ses alliances. Et au fur et à mesure, son ambition, c'est de passer une alliance avec la noblesse perse qui constitue la colonne vertébrale de l'Empire. Et après, Gaugamel, c'est ce qu'il réussit à faire, et de plus en plus. Et donc, après la mort de Darius, encore plus. Et donc, il ne peut conquérir l'Empire que de l'intérieur. Que de l'intérieur, en défendant une politique, et cette politique s'appuie sur une connaissance du fonctionnement de l'Empire achéménide. Et justement, Pierre Briand, pour parler de l'Empire achéménide, vous évoquez l'idée d'une expérience politique unique. J'ai envie de dire, Alexandre l'a compris, cette expérience politique, et il se l'est en partie appropriée. Tout à fait, tout à fait. Il a parfaitement compris ce que c'était que l'Empire achéménide, que les Grecs n'ont pas toujours compris. Ils ont du mal à comprendre, à part de dire que le grand roi est puissant, qu'il a de grands revenus, etc. Ils n'ont pas bien compris, pas toujours, comment était fonctionné l'Empire achéménide. Alors si, les compagnons d'Alexandre qui ont informé les historiens postérieurs, comme Diodore de Sicile, comme Arrien, bien sûr, ont transmis des informations là-dessus. Et dans toute une série d'informations sur ce qu'on appelle la politique iranienne d'Alexandre, c'est-à-dire qui permettent et qui vont jusqu'au mariage de Suse, où Alexandre épouse des princesses royales achéménides et où 80 de ses compagnons épousent des princesses iraniennes. Ce qui était vraiment l'enjeu des années à venir. Bon, il meurt juste après. C'est dommage, il meurt juste après, mais en tout cas, il y a cette amorce d'alliance des élites. Et justement, Pierre Briand, nous allons retrouver Alexandre, et vous l'avez évoqué, nous allons le retrouver dans le film d'Oliver Stone, où nous entendons la proposition que des Perses Achéménides font à Alexandre. Darius t'offre toutes les terres à l'ouest de l'Euphrate, et la main de sa fille en mariage. Aucun grec ne s'est vu honoré de la sorte. Que dis-tu ? Honoré ? Mais c'est pour nous corrompre. C'est vrai. Ce que les Grecs ont accepté. Trop longtemps. Oui. Souviens-toi que celui qui a payé le meurtre de mon père est là, dans la vallée, et nous nargue. Voyons, Alexandre, on n'est toujours pas sûr que ce soit leur Perse qui a payé cet assassinat. Et d'ailleurs, peu importe. Ce n'est pas le problème. C'est très bien que c'est pas vrai. Ton père t'a appris à ne jamais laisser la passion l'emporter sur la raison. Je t'adjure de rassembler tes troupes. Repartons vers la côte, élève une armée plus nombreuse. Je le ferai. Je le ferai, si j'étais Parménion. Mais je suis Alexandre. Pas plus que la terre n'a de soleil, l'Asie ne peut avoir de roi. C'est ainsi que je l'entends. Et si Darius est assez courageux pour ne pas se dérober, il viendra m'affronter demain. Et si on le voit se prosterner devant la Grèce, Alexandre sera miséricordieux. Un extrait du film Oliver Stone en 2005. Ce film, c'est Alexandre. Nous entendons ici, dans un péplum, cet aspect d'épopée qui nous plaît. Vous, l'historien, vous la retrouvez, cette épopée-là. Cet empire achéménide, perse, est magique en cela par ses personnages, par ses histoires. Oui, bien sûr, c'est un... En tout cas, pour l'historien que je suis, bon, j'étais pas du tout historien de l'Empire achéménide, j'étais historien des successeurs d'Alexandre, et c'est par Alexandre, parce que j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait avant Alexandre, ce que personne ne m'expliquait, et que je me suis mis à étudier l'Empire achéménide, qui pour moi c'était une sorte de parenthèse, que j'allais revenir à Alexandre. Ben non, c'est une parenthèse qui dure encore depuis 40 ans. Plus de 40 ans, tout en gardant un œil sur Alexandre, comme vous le savez. Donc moi je suis absolument fasciné par les potentialités que nous offre l'histoire de l'Empire achéménide, les potentialités historiennes que nous offre l'histoire de l'Empire achéménide, parce que c'est à la fois le premier empire monde, qu'on appelle empire monde d'Antiquité, au sens, je l'ai dit tout à l'heure, par son immensité, par la diversité ethnoculturelle, par l'expérience politique qui a consisté pendant plus de 2 siècles et demi à réunir dans un ensemble commun des peuples aussi différents les uns que les autres, qui avaient des traditions politiques, des ambitions politiques les uns et les autres. Donc il y a cette capacité qu'ils ont eue, et en même temps, j'y reviens parce que je voudrais quand même y insister, il y a une immensité de sources absolument fantastiques qui s'étend même de pratiquement chaque année, qui vient d'Afghanistan, qui vient de Turquie, qui vient d'Égypte, qui vient d'Iran proprement dit, ou d'ailleurs, du Caucase, de l'Arménie, etc. Vous avez une immensité, une abondance de sources, à la fois figurées, de sources littéraires, de sources écrites, épigraphiques, etc., qui font que l'histoire de l'Empire achéménide est un monde absolument vivant, qui se transforme, pas au jour le jour, mais qui se transforme, et qui rend la tâche d'historien absolument fascinante. Et je suis un peu... C'est vrai, un peu, non pas amer, mais un peu déçu de voir que, pas exagérer, hein, de voir que la domination de la tradition gréco-romaine prenne souvent le dessus, alors qu'il faudrait voir aussi que l'histoire de l'Antiquité, c'est pas uniquement le Parthénon ni le Forum, ou c'est pas uniquement les pyramides à la tour de Babel, ou le temple de Jérusalem. Et en plus, cette histoire-là est un écho sans cesse au présent. La dynastie Pahlavi, les Shahs d'Iran au XXe siècle, ont rappelé le passé perse achéménide. Même Ahmadinejad. Et voilà, ça continue après la Révolution. Même en 2010, lorsque le cylindre de Cyrus a été prêté à l'Iran, une grande cérémonie a été organisée au musée de Téhéran, dans une salle. Ahmadinejad était là, il comprenait pas vraiment ce qu'il y avait, mais enfin bon, on lui montre le cylindre de Cyrus qui, selon la tradition inventée par le Shah, Cyrus aurait été le créateur de la notion des droits de l'homme. Bref. Et en plus, après, Ahmadinejad était dans une salle à côté, et puis il avait un type qui était un Iranien, qui était habillé en Cyrus, avec la barbe et tout, là, et il a été le saluer, et en même temps, il lui a remis un foulard noir et blanc des Palestiniens et des Basidji, qui est la milice du régime. Donc, en fait, Ahmadinejad a à la fois repris un thème privilégié de la propagande du Shah, en l'agrémentant à la sauce islamique, c'est-à-dire en essayant de faire une syncrétisme impossible entre les achéménides et l'islam. Voilà. Mais malgré tout, il y a ce rappel. Mais bien sûr, parce que les achéménides sont aussi une source de fierté, même dans l'Iran d'aujourd'hui, bien entendu. C'est le passé, c'est ce que j'appelais aussi le roman national. C'est une partie du roman national, ce sont les achéménides. Plus après les sassanides, mais les achéménides, parce que ce sont les achéménides qui ont créé l'empire le plus puissant, qui a même dominé une partie de l'Europe. Enfin bon, ça va bien au-delà, et les achéménides à travers lesquels l'archéologie iranienne s'est créée également, et a reçu des leçons certainement des archéologues étrangers, mais sont devenus parfaitement indépendantes de leur côté, techniquement j'entends. Et donc l'archéologie iranienne s'est créée surtout à part des Achéménides, à partir des Sassanides, je dis pas le contraire, mais les Achéménides sont, et Persépolis, sont une des fiertés nationales de l'Iran d'aujourd'hui et des Iraniens. Voilà, et c'est aussi une de vos fiertés, vous avez raison de l'être, Pierre Briand, d'être le spécialiste de cette période. Je vous pose une question de gamin, mais si on vous donne une tablette cunéiforme, vous arrivez ? Non, là, je peux expliquer pourquoi. Dites-moi. C'est la question pour si vous voulez faire l'histoire de l'Empire achéménide, vous devriez, et si, avec toutes les bonnes règles qui sont de bonnes règles, hein, vous devriez à la fois lire le cunéiforme, mais dans le cunéiforme, le vieux perse, l'élamite, le babylonien, vous devriez lire l'araméen, le grec, le lycien, l'hiéroglyphique, le démotique, le carien, le lycien, le phrygien, etc. Et j'en passe. Il n'y a aucune personne au monde ne peut le faire. Donc moi j'expliquais depuis très longtemps que je partais effectivement des sources en langue originale lorsqu'elles sont translittérées et traduites et commentées par des spécialistes, des philologues. Je lis les travaux de philologues. Je peux m'insinuer même dans une discussion d'ordre terminologique, mais je ne suis pas capable de traduire une tablette. Et donc la seule façon de faire cette histoire, c'est-à-dire de rassembler tous les fils qui viennent de toutes les provinces de l'Empire, eh bien vous devez faire on doit faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire en sorte de prendre la main sur l'ensemble des sources, documents, quelle que soit leur langue, archéologique aussi, iconographique, numismatique, et essayer de construire des dossiers à partir de toutes ces sources qui sont absolument fascinantes. Et dès lors, donner envie d'aller plus loin. Merci Absolument. Beaucoup Pierre Briand. Et ben pour aller plus loin, il y a l'histoire de l'Empire Perse, hein, votre ouvrage de Cyrus Alexandre, mais qui aurait pu s'appeler l'histoire de l'Empire Achéménide. Merci beaucoup à vous. Merci. Il est l'heure de retrouver Amélie Perrault et le journal de l'histoire. Bonjour Amélie Perrault. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, avant ce week-end de manifestations et d'élections, vous nous racontez l'histoire d'un objet politique, la banderole. C'est un livre de l'historien Philippe Artière, republié cette semaine et qui s'ouvre avec des images. Des écrits japonais s'envolent, accrochés à des ballons dans le ciel d'Hiroshima. En Sicile, des bannières religieuses avancent en procession. Place Tiananmen, un étudiant chinois endormi s'est enveloppé dans un drapeau. D'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, la banderole dit la fête, la guerre ou la grève. Elle signale l'événement, elle l'organise et l'ordonne. L'histoire de la banderole est politique, mais elle est d'abord militaire et religieuse. Ce sont les étendards derrière lesquels les armées se rangent. Puis au Moyen-Âge, les bannières portées par des saints dans les peintures sacrées, bannières qui servent de prétexte à placer dans l'image des extraits de la Bible. Ces bandes de textiles qui volent dans le tableau seraient d'ailleurs les ancêtres des bulles de nos bandes dessinées. Autre descendance, celle des écharpes tricolores de nos mères. Créées par une loi de 1790, les banderoles écharpes seront reprises par les suffragettes au début du XXe siècle comme une façon de faire de son corps une banderole, de s'inscrire soi-même entièrement dans sa lutte. Et qu'on la porte sur soi ou à bout de bras, la banderole est toujours un rapport au corps. Le corps qui la brandit, l'accroche ou la déplace, le corps de la manifestation qui se groupe derrière elle ou veut conquérir par elle la ville. Philippe Artière va même jusqu'à dire que la banderole est l'autre corps de l'homme révolté. Mais pourquoi parler dans un même livre de la place Tahrir et des stades de foot, du tatouage et d'une femme dans un théâtre italien peignant en rouge sur fond blanc, abolissons la prudence.